Les frères Corse, chapitre 20. L'entrée de Lucien dans la salle fut une nouvelle preuve de cette étrange ressemblance entre lui et son frère. Le bruit de la mort de Louis s'était répandu, peut-être pas dans tous ses détails, c'est vrai, mais enfin, il s'était répandu, et l'apparition de Lucien sembla frapper tout le monde de stupeur. Je demandai un cabinet, en prévoyant que le baron Giordano devait nous rejoindre. On nous donna alors la chambre du fond. Lucien se mit à lire les journaux avec un sang-froid qui ressemblait à de l'insensibilité. Au milieu du déjeuner, Giordano entra. Les deux jeunes gens ne s'étaient pas vus depuis 4 ou 5 ans. Cependant, un serrement de main fut la seule démonstration d'amitié qu'ils se donnèrent. « Eh bien, tout est arrangé, » dit-il. « Monsieur de Château-Renaud accepte. » « Oui. » À la condition cependant qu'après vous, on le laissera tranquille. Oh, qu'il se rassure. Je suis le dernier des Franchi. Est-ce lui que vous avez vu ou sont-ce les témoins? C'est lui-même. Il s'est chargé de prévenir messieurs de Boissy et de Châteaugrand. Quant aux armes, à l'heure et au lieu, ils seront les mêmes. À merveille. Mettez-vous là et déjeunez. Le baron s'assit et l'on parla d'autre chose. Après le déjeuner, Lucien nous pria de le faire reconnaître par le commissaire de police qui avait mis les scellés, par le propriétaire de la maison qu'habitait son frère. Il voulait passer dans la chambre même de Louis cette dernière nuit qui le séparait de la vengeance. Toutes ces démarches prirent une partie de la journée et ce ne fut que vers 5 heures du soir que Lucien put entrer dans l'appartement de son frère. Nous le laissâmes seul. La douleur a sa pudeur qu'il faut respecter. Lucien nous donna rendez-vous pour le lendemain à 8 heures, en me priant de tâcher d'avoir les mêmes pistolets et de les acheter même s'ils étaient à vendre. Je me rendis aussitôt chez De Visme et le marché fut conclu moyennant 600 francs. Le lendemain, à 8h15, j'étais chez Lucien. Quand j'entrai, il était à la même place et écrivait à la même table où j'avais trouvé son frère écrivant. Il avait le sourire sur les lèvres, quoiqu'il fût fort pâle. « Bonjour, » me dit-il, « j'écris à ma mère. J'espère que vous lui annoncez une nouvelle moins douloureuse que celle qu'il y a aujourd'hui 8 jours lui annonçait votre frère. Je lui annonce qu'elle peut prier tranquillement pour son fils et qu'il est vengé. Comment pouvez-vous parler avec cette certitude? Mon frère, ne vous avait-il pas d'avance annoncé sa mort? Moi, d'avance, je vous annonce celle de Monsieur Château-Renaud. Il se leva et, en me touchant la tempe, « Tenez, me dit-il, je lui mettrai ma balle là. Et vous? Il ne me touchera même pas. Mais attendez au moins l'issue du duel pour envoyer cette lettre. C'est parfaitement inutile. » Il sonna, le valet de chambre parut. « Joseph, dit-il, portez cette lettre à la poste. Mais vous avez donc revu votre frère? Oui, me dit-il. » C'était une étrange chose que ces deux duels à la suite l'un de l'autre, et dans lesquels d'avance un des deux adversaires était condamné. Sur ces entrefaites, le baron Giordano arriva. Il était 8 heures, nous partîmes. Lucien avait si grande hâte d'arriver et poussa tellement le cocher que nous étions au rendez-vous plus de 10 minutes avant l'heure. Nos adversaires arrivèrent à 9 heures juste. Ils étaient à cheval tous trois et suivis d'un domestique à cheval aussi. Monsieur de Château-Renaud avait la main dans son habit et je crus d'abord qu'il portait son bras en écharpe. À 20 pas de nous, ces messieurs descendirent et jetèrent la bride de leurs chevaux au domestique. Monsieur de Château-Renaud resta en arrière, mais jeta cependant les yeux sur Lucien. Tout éloigné que nous étions de lui, je le vis pâlir. Il se retourna, et de la cravache qu'il portait à la main gauche, s'amusa à couper de petites fleurs qui poussaient sur le gazon. « Nous voici, messieurs, » dirent messieurs de Château-Grand et de Boissy. « Mais vous savez nos conditions, c'est que ce duel est le dernier, et que, quelle que soit l'issue, monsieur de Château-Renaud n'aura plus à répondre à personne du double résultat. « C'est convenu, » répondîmes nous, Giordano et moi. Lucien s'inclina en signe d'assentiment. « Vous avez des armes, messieurs ?» demanda le vicomte de Château-Grand. « Les mêmes. Et elles sont inconnues à monsieur de Franqui. Beaucoup plus qu'à monsieur de Château-Renaud. Monsieur de Château-Renaud s'en est servi une fois. Monsieur de Franqui ne les a pas encore vus. C'est bien, messieurs. Viens, Château-Renaud !» Aussitôt, nous nous enfonçâmes dans le bois sans prononcer une seule parole. Chacun, à peine remis de la scène dont nous allions revoir le théâtre, sentait que quelque chose de non moins terrible allait se passer. Nous arrivâmes à la fondrière. Monsieur de Château-Renaud, grâce à une grande puissance sur lui-même, paraissait calme. Mais ceux qu'il avait vus dans ces deux rencontres pouvaient cependant apprécier la différence. De temps en temps, il jetait à la dérobée un regard sur Lucien, et ce regard exprimait une inquiétude qui ressemblait à de l'effroi. Peut-être était-ce cette grande ressemblance des deux frères qui le préoccupait, et croyait-il voir dans Lucien l'ombre vengeresse de Louis. Pendant qu'on chargeait les pistolets, je le vis enfin tirer sa main de sa redingote. Sa main était enveloppée d'un mouchoir mouillé qui devait en apaiser les mouvements fébriles. Lucien attendait, l'œil calme et fixe, en homme qui est sûr de sa vengeance. Sans qu'on lui indiquât sa place, Lucien alla prendre celle qu'occupait son frère, ce qui força naturellement monsieur de Château-Renaud à se diriger vers celle qu'il avait déjà occupée. Lucien reçut son arme avec un sourire de joie. Monsieur de Château-Renaud, en prenant la sienne, de pâle qu'il était, devint livide. Puis, il passa sa main entre sa cravate et son cou, comme si sa cravate l'étouffait. On ne peut se faire une idée du sentiment de terreur involontaire avec lequel je regardais ce jeune homme, beau, riche, élégant, qui la veille au matin croyait avoir encore de longues années à vivre et qui, aujourd'hui, la sueur au front, l'angoisse au cœur, se sentait condamné. « Y êtes-vous, messieurs ?» demanda monsieur de Château-Grand. « Oui, » répondit Lucien. Monsieur de Château-Renaud fit un geste affirmatif. Quant à moi, n'osant envisager cette scène en face, je me retournai. J'entendis les deux coups frappés successivement dans la main, et au troisième, la détonation des deux pistolets. Je me retournai. Monsieur de Château-Renaud était étendu sur le sol, tué, roide, sans avoir poussé un soupir, sans avoir fait un mouvement. Je m'approchai du cadavre, mû par cette invincible curiosité qui vous pousse à suivre jusqu'au bout une catastrophe. La balle lui était entrée dans la tempe, à l'endroit même qu'avait indiqué Lucien. Je courus à lui. Il était resté calme et immobile. Mais en me voyant à sa portée, il laissa tomber son pistolet et se jeta dans mes bras. « Oh, mon frère, mon pauvre frère !» s'écria-t-il. Et il éclata en sanglots. C'étaient les premières larmes que le jeune homme eut versées. Dio di Tutti sconsolati.